Afro Exotic, Soda Cruz, Yajimi, Doran Vert, Yodito. Les passés révoluent, tandis que le futur nous échappe, songeant à l'avenir. Si vie chaque fois, papa, moi, bougie, à votre bien laé. L'homme est mieux sage, vit le présent qui vit pas qu'à perdre d'un air. Son avis n'a rien de plus bon qui en soit à moi au sérieux. L'aïngé fout ta carrière, l'aïngé venga qu'à pomette. Y'a moi et d'un canal, y'a moi qui m'a compété la basse sous ma solo. Quand on s'en la carte, et si elle est carte. Maintenant, Jean Wakaka, j'ai une messe au blesse d'Ibéo. Chez Moussa, Ismaël, Moussa, le français Kaloko. L'espérance est l'espoir d'un homme éveillé, papa Pania. La nature à chacun de nous capable de supporter ce qui arrive. Quel est présent d'être tout près point, mon inganangaï. Évidemment, l'on va ne les camacanis, si n'ayons des voyages, moi si ton mobile. Yo soy un mal amour et à casser la tango naïango. Toujours la vie. La conscience est l'unique miroir qui ne flatte ni ne trompe. La mauvaise réputation est un fardeau léger à soulever. L'eau à porter, difficile à déposer. Zélo et même à Kamoto n'a pas ses alaka à Flani. Pour aimer ma canne à bonheur, et ton abandon de Pepe Ngomba, Sylvie Naberne. A bien casser moi, bien, bien. Si celle-ci n'a. La conscience est l'unique miroir qui ne flatte ni ne trompe. La mauvaise réputation est un fardeau léger à soulever. L'eau à porter, difficile à déposer. Zélo et même à Kamoto n'a pas ses alakas à planir. Pour aimer ma canne à bonheur, et ton abandon de Pepe Ngomba, Tony no ma kese. Aningangwele, DG Paul, Oyamina, Roger Poupa, DG Memphita. Qui craint de souffrir si Michako souffre déjà ce qu'il craint à Kouba, la vie de Memphis à Suisse. Yeah, yeah, yeah, yeah. C'est Mati Belli. Wow, wow, wow. Yeah, yeah, yeah. C'est que nous gagnons en connaissance, nous les perdons en sentiment. Celui qui s'en va récolte la trompette, qui écoute récoltera. Montagne soit agit, j'ai mal à parole, on a dengue naïe, manassé. Jean massif, tant qu'à la vie a l'espoir. En persévérant, on arrive au but. Sokina koko sana mikosi. Ma kumundele esenge lito sala na conscience à bon moto. Bakamine motema ya veniro yo Bisengo ya mokili esila kata sizingonda Basala ya mo basuka wapile lonanda kwa malita Sepeli sandoto emando kala poli kisante Ebongito lobela le pweso Keto banza aveni Keto lobela kale pwese Seke nukanyo en connaissance Nune perdo en sentiment Celui qui se vreman rekota trompe Qui écoute rekoltera Na la vie, no baka mueble, oh, cosa gata con sueñoso. Se pasi en costa, se que pomo y amo, tu es alice en ama por panza. Car un bienfait n'est jamais perdu, si vie, chaco. Et bon guito lo vela le preso, mais ton panza a béni. Macanakina, et bon guito lo vela le passé, c'est que nous gagnons en connaissance. Antoine nous le perdons en sentiment. Pour le ciel qui se prépare et contre la tempête qui est tout le récoltera. Mon connaissant agit, j'ai mal à la roi et mon aigle naïe Manassé. Denise Blasé, bima mitso mubunga bosko bo